بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة أرجو أنكم بخير وصحة وعافية أسأل الله أن يثبتنا جميعا على التوحيد والسنة وعلى الطاعة حتى نلقى الله عز وجل وأسأله كذلك أن يعيننا وأن يبلغنا هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأن يوفقنا فيه لكل خير وأن يسهل علينا الطاعات وأن يبارك لنا في الأوقات إنه ولي ذلك والقادر عليه. Donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir tous sur l'unicité d'Allah et le suivi de la sunna jusqu'à le rencontrer subhanahu wa ta'ala, comme nous lui demandons de nous permettre d'atteindre ce mois de Ramadan et de vivre ce mois béni de Ramadan et de nous faciliter les adorations. Et de nous aider dans tout ce qui nous rapproche de lui, subhanahu wa ta'ala, dans ce mois. Notamment le jeûne, la salat, la récitation du Coran et les autres adorations. Et nous lui demandons de nous mettre de la baraka dans notre temps et d'exploiter ce mois au maximum et de s'en sortir avec le maximum de profit et de bénéfices. Amin, amin. Donc mes frères, aujourd'hui le samedi 26 Sha'ban de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 18 mars 2023, nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre lecture de l'fatawa du Cheikh Al-Allama Ahmed Najmi, des fatawa qui concerne principalement Al-Manhaj Al-Salafi. Donc, nous allons lire dans le deuxième volume de cette compilation de fatawa la deuxième question. Qui a été posée au Cheikh, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qui concerne une clarification. Il lui a été demandé une clarification de ce que propagent certains hizbi au sujet de l'manhaj al-salafi, leurs mensonges et leurs accusations de l'manhaj al-salafi, comme quoi c'est une méthodologie qui dévise les musulmans. Quand les savants de ce manhaj béni ont montré le statut de certains leaders de ces partis politiques ou sectes égarées de la sunna, et dans lesquels ils se sont éloignés de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et de la voie de salaf. Donc ils lui ont demandé de dissiper cette ambiguïté que ces gens-là répondent au sujet de l'manhaj al-salafi. Et bien évidemment, c'est des choses que vous continuez à entendre encore aujourd'hui. Car les ambiguïtés, c'est les mêmes. Ça change de forme, ça change de terme, mais les ambiguïtés des anciens, ce sont les mêmes ambiguïtés des contemporains. C'est pour ça, celui qui connaît le Coran et la Sunna et qui étudie l'manhaj al-salafi, il sera réfuté toutes les ambiguïtés sans exception. Donc après les louanges adressées à Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh rahimahullah a répondu à cette demande et il a dit que ce qui convient, c'est de montrer ce que c'est la voie des salafs d'une manière concise. Il a dit, je dis, manhaj al-salaf al-salih huwa manhaj wadih la ghubar alayh. La voie de salaf, c'est une voie claire dans laquelle il n'y a aucune ambiguïté. Et subhanallah, ce premier point, cette clarté, je pense notamment à certains égarés, certains prêcheurs, comme ce Ash'ari qui s'appelle Mohamed Nadir, ils répondent jamais quand on leur pose les questions sur leur aqida, d'une manière claire. Et ça, bien évidemment, c'est dans un milieu où ils ne peuvent pas dire les choses telles qu'elles sont. Mais dans d'autres milieux, ils disent clairement qu'ils sont Ash'ari. Mais comme ils savent qu'en France, la plupart des jeunes, walhamdulillah, aiment la voie de salaf et reviennent vers la voie de salaf, même ceux qui commencent avec Tablir ou avec l'Ikhwan, en général, quand ils cherchent la vérité, ils reviennent à la voie de salaf, la voie qui représente l'islam dans son authenticité. Et s'il y a des défauts chez certains individus, c'est leurs défauts et leurs faiblesses. Et ce n'est jamais attribué à la voie de salaf. La voie de salaf, c'est la voie sur laquelle était le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est notre grand salaf. Comme il a dit à sa fille Fatima, radiyallahu anha, « Ni'ma salafu ana laki ». Lakin, s'il y a des gens qui disent « suivre la voie de salaf », ils ont des faiblesses, ils ont des défauts, ils ont une dureté, ils ont un problème dans leur comportement ou autre, ça c'est leur défaut à eux. Et c'est pas le défaut de la voie salafie. La voie salafie, c'est une voie infaillible. Mais celui qui suit cette voie, il n'est pas infaillible. La voie salafie, c'est le Coran et la Sunna authentique avec la compréhension que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, avec la compréhension du prophète alayhi salatu wassalam et de ses nobles compagnons après lui. Donc ça, la voie salafie, c'est pour ça, c'est pas une tazkiya de dire que je suis salafi. C'est uniquement montrer ta méthodologie dans la religion. Comment tu comprends l'islam? Est-ce que tu le comprends à la façon des philosophes grecs, ou tu le comprends à la façon des soufis, ou tu le comprends à la façon de Tablir ou l'Ikhwan, ou tu le comprends comme ils l'ont compris les compagnons radiyallahu anhum. Et la seule compréhension dont Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges, c'est celle des compagnons. Et la seule compréhension qui a été agréée dans notre religion, c'est la compréhension des compagnons radiyallahu anhum. Et ceux qui viennent après eux, ils ne sont agréés par Allah que quand ils se conforment à leur méthodologie, et à leur voie, et à leur compréhension. Car si on ouvre la porte et que chacun comprend l'islam comme il veut, on aura autant de compréhension de l'islam que de musulmans sur terre. Mais la vérité, elle est unique. Et la bonne compréhension, elle est unique. C'est la voie de salaf, as-salih, qu'Allah les agrée tous. Donc, la voie de salaf est claire, dans laquelle il n'y a aucune ambiguïté, ni négligence, ni manque de clarté. Au contraire, c'est une voie claire pour toute personne. La voie de Salaf Saleh, c'est d'appeler au livre d'Allah et la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs, à commencer par les compagnons, ceux qui les ont suivis, et les imams du hadith, les gens de la sunna et du consensus, ahl sunnati wal jama'a, ceux qui ont hérité cette religion de leur prophète et des compagnons de leur prophète, qu'Allah les agrée tous. C'est ça la voie salafie à laquelle appellent les salafis. Et ceux qui prétendent que les salafis sont venus avec la division. Alors ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Car ceux qui sont venus avec la division, ce sont les Hizbi et les gens de l'innovation. C'est eux qui sont venus avec la division et qui ont provoqué cette division. Mais quand un de leurs leaders ou une de leurs têtes parle de salafiyin, ils les critiquent, ils les dénigrent. Ils disent que c'est salafiyin qui ont divisé. Et ça, c'est comme ils ont dit, Ramatni bida'iha wa ansallat. Elle m'a accusé avec la maladie que elle a. Et elle a pris la fuite ensuite. Et ça, c'est une falsification de la réalité. Et celui qui dit ça des salafiyin, il sera interrogé auprès d'Allah. Et ça, c'est une façon d'éloigner les gens de la vérité et de la voie salafie. Naam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur la voie de la vérité, la voie de nos pieux prédécesseurs et de nous préserver de toute forme d'égarement et de déviance. Donc il y a plus de détails que j'aurais pu citer ici, mais ça va venir dans la question suivante, Inch'Allah, qui est proche de ce point-là, dans laquelle Cheikh Rahimallah a détaillé davantage. Donc la troisième question, la personne demande, dans la question, il dit « Ma ra'yukum fi man yaqulu » لا ينبغي للعلماء أن يرد بعضهم على بعض في هذا الوقت. Que pensez-vous de ceux qui disent qu'il ne convient pas aux savants de réfuter les uns les autres pendant cette époque? Pourquoi? Ils prétendent parce que ça va renforcer les ennemis de l'islam et ça va diviser les musulmans. Surtout que nous vivons dans une époque où la plupart des musulmans subissent une domination des kuffars dans la plupart de leurs pays. Donc c'est pour ça qu'il est indispensable de se regrouper, de se réunir et de s'aimer afin de faire triompher l'islam contre ses ennemis parmi les juifs et les chrétiens et autres voies d'égarement. Et ensuite, une fois qu'on aura dominé l'ennemi extérieur, l'ennemi extérieur parmi le kuffar, comme les catégories qui sont citées dans la question, juifs, chrétiens et autres, une fois qu'on aura vaincu nos ennemis, là, on revient entre nous et on discute des points de divergence qu'on a. Et on rectifie les erreurs que chacun puisse avoir. Et ensuite, il lui a dit, est-ce que c'est autorisé de dire à toute personne qui a divergé avec le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam parmi les musulmans que c'est un hypocrite? Est-ce que c'est autorisé de décrire toute personne qui, parmi les musulmans, qui s'éloigne du kitab et de la sunna comme étant un hypocrite? Est-ce que ça c'est autorisé? Et que c'est un ennemi de l'islam, un ennemi de l'intérieur? Qu'Allah vous rétribue. Fin de la question. La réponse du Cheikh, rahimahullah. Il dit, Ar-rududu wajibatun biwujubil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Les réfutations sont obligatoires car elles font partie de l'ordre du convenable et de l'interdiction du blâmable. Car comme il n'est pas permis de se taire sur un égarement, quelle que soit sa catégorie, que ça concerne le domaine de la bonne moralité et du comportement, ou le domaine des transactions, ou les adorations, ou le dogme et la croyance, qui est le domaine le plus important. Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec trois qualités. Avec trois qualités. La première, c'est al-iman billahi awwala. C'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, الأمر بالمعروف ثانية. C'est l'ordre du convenable et la prescription du convenable. Et la troisième, c'est النهي عن المنكر. C'est l'interdiction du condamnable et la proscription du condamnable. Du condamnable. Comme Allah عز وجل dit, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Dans le sens approximatif, vous êtes la meilleure communauté qui ait jamais surgi pour les hommes. Vous prescrivez le convenable, proscrivez le condamnable et croyez en Allah. Donc de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec ces trois qualités, il a blâmé les gens du livre à cause du délaissement de ces trois qualités. Il a dit subhanahu wa ta'ala, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. كانوا لا يتناهون عن منكر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. Donc dans le sens approximatif de ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ, ont été maudits par la bouche de Daoud et Isa, fils de Maryam, les mécréants parmi les enfants d'Israël. Cela en raison de leur rébellion et leur transgression. Ils ne sont joignés pas de mettre fin à leurs actions réprouvées, al-munkar. Combien abominable était ce qu'ils faisaient. Donc Allah les a blâmés à cause du délaissement de l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Ils ne s'interdisaient pas ce qui est blâmable et ce qui est réprouvé et détestable par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre verset que Cheikh a cité, Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ceux qui cachent la vérité. Il a dit, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Dans le sens approximatif, ceux qui taisent ce que nous avons révélé comme preuve évidente et comme bonne orientation, après que nous les avons exposés clairement aux hommes dans le livre, c'est bien cela qu'Allah maudit et que maudissent les maudisseurs. Hormis ceux qui se sont repentis, se sont amendés et ont montré au grand jour ce qu'ils cachaient auparavant. Donc, vous voyez comment c'est clair l'obligation d'appeler au bien et de mettre en garde contre le mal, quel que soit le domaine dans lequel il y a ce mal. Lakin, ce qui compte, c'est de le faire avec science et avec équité. On n'a pas le droit d'attribuer à une personne ce qu'elle n'a pas fait ou ce qu'elle n'a pas dit. C'est pas parce que c'est un innovateur que tu as le droit de mentir et de lui attribuer des choses sans vérification. Non. Al-Sunna wal-Jama'a, ils sont justes avec tout le monde, avec leurs ennemis, avec leurs alliés. Mais leur équité et justice envers les gens, c'est pas de citer ses défauts et ses qualités quand ils le réfutent et quand ils montrent son égarement, comme ils veulent les gens de l'innovation. Mais sa justice et son équité, c'est qu'il ne va lui attribuer que les choses qui sont rapportées d'une manière sûre, sur lesquelles il y a des preuves. Il ne va pas le juger selon ce qu'il pense de lui. Il va le juger selon ce qu'il a montré comme égarement. Je peux avoir yani, des choses vis-à-vis d'une personne. Écoutez bien et soyez attentifs. Je peux avoir une position vis-à-vis d'une personne selon ce que je connais d'elle. Selon ce que je connais d'elle, d'une manière sûre. Mais je ne peux pas établir les preuves sur cela. Il m'est autorisé, moi, de m'éloigner d'elle, selon ce que je connais d'elle. Mais je n'ai pas le droit d'appeler les gens à la boycotter ou à mettre en garde contre elle. Sauf quand on a des preuves. Et bien évidemment, là, on parle d'un salafi. Un innovateur, il est connu comme étant un innovateur. La question ne se pose pas. Mais un salafi, je peux connaître de lui des choses qui font que je vais m'écarter de lui. Lakin, sans mettre en garde, sans appeler les gens à le boycotter ou autre. Pourquoi ? Parce que si je le fais et que je ne peux pas établir les preuves, ça va créer une division dans les rangs de Ahl-Sunna wal-Jama'a. Il y en a qui vont me croire sur parole et qui vont accepter ce que j'ai dit. Et d'autres, non. Ils connaissent que du bien de l'autre personne. Ils vont dire, il faut ramener les preuves. Et c'est leur droit d'exiger les preuves. Et je dois les présenter. Quand on critique un salafi, il est obligatoire de présenter les preuves. Car le fait de dire que c'est un salafi, c'est prouver qu'il est salafi. C'est une certitude. Et cette certitude, on la délaisse avec une certitude égale ou supérieure. Des preuves. Comme quoi il a changé. Et personne n'est à l'abri de cela. De changer. Nous demandons à Allah de nous raffermir jusqu'à le rencontrer sur la vérité. Et ce que je vous dis maintenant, c'est pas dans le fatwa, mais c'est des choses que m'a dit à moi personnellement Cheikh Rabi' Hafidahullah concernant une personne qui était avec les Salafiyin et qui mettait ses élèves en garde contre un Cheikh, un noble Cheikh. Et il leur disait, c'est par rapport à des choses que je connais de lui, mais je n'ai pas de preuves, je ne peux pas vous les présenter. Par exemple, il m'a menti, il a fait ça. Lakin, je ne peux pas le prouver. Cheikh Rabi Hafidhullah m'a dit, ça c'est la façon des égarés. Et c'est de la méthodologie des égarés. S'il a des preuves, il parle, sinon il se tait. Et celui, de toute façon, qui cache autre chose que ce qu'il montre, il finira par être dévoilé. Ne t'inquiète pas. Ne te précipite pas. Allah protège sa religion. Il y en a nous, des fois, on a envie de parler avant, d'avoir les preuves, parce qu'on se dit, cette personne, elle va égarer. Elle. T'inquiète pas. Parle avec preuve, sinon tais-toi. Ensuite, Cheikh Rahimallah, il dit, de ces versets, de ces preuves qu'il a présentées, nous voyons que les réfutations et les redoutes des hommes de science contre des personnes qui ont fait des erreurs dans l'aqida ou dans autre domaine, et qui ont fait entrer dans l'islam ce qui n'en fait pas partie, des innovations et des hérésies, que ces réfutations contre ces gens-là, ça fait partie de la religion. C'est pour ça que des salafiyins ont réfuté des innovateurs et ont montré leurs erreurs, les erreurs dans lesquelles ils sont tombés, que ce soit dans le domaine de l'aqida, le dogme, ou les transactions, ou les adorations, et ainsi de suite. Ils ont fait cela, et ils ont pris cette responsabilité. Ça, bien évidemment, ça, c'est pas la porte ouverte pour tout le monde. T'es un salafi, mais ça t'autorise pas à réfuter les égarements parce que, tout simplement, t'es un salafi. Si tu vois un égarement chez une personne, reviens à un homme de science et montre-lui ces choses-là, afin qu'il te confirme que ce sont des erreurs et que celui qui réfute, il réfute avec science. Car les innovateurs, ils se réjouissent d'une réfutation d'un salafi, mais qui n'a pas la science. Et ils le prennent comme exemple. Comme j'ai vu ce Mohamed Nadir faire avec une personne qui l'a réfuté sur Ilm al-Kalam. Il a montré des grandes ignorances chez ce frère, et même dans la lecture du texte. C'est pas parce que c'est salafi que tu vas faire rodod. Ça demande un certain niveau de science, une certaine maîtrise de la science. Celui qui fait rodod, c'est celui qui maîtrise la vérité avec les preuves et qui maîtrise aussi l'égarement de l'adversaire avec les preuves, et qui connaît ses ambiguïtés et comment les réfuter. Celui qui arrive à ce degré-là, il peut réfuter. Donc c'est pas une condition de devenir un savant, mais de maîtriser le sujet. Sinon tu vas affaiblir la position de Al-Sunna wal-Jama'a. Et c'est pas ton objectif, mais Shaitan il peut se servir de toi pour renforcer les innovateurs. Et ça, vous le voyez quand ils ont l'occasion d'avoir un salafi qui ne maîtrise pas le sujet et qui vient pour défendre la vérité. Lui, il sait au fond de lui que c'est ça la vérité. Ilm kalam il est batil, c'est une bid'a. Tous on le sait. Mais comment le prouver? Ça, c'est pas accessible à tout le monde. Car eux, ils ont des ambiguïtés. Donc, les réfutations, quand elles sont faites avec science, ça fait partie de la religion. Et c'est pour montrer la vérité et réfuter l'égarement et préserver cette religion afin qu'on n'introduise pas dans l'islam ce qui n'en fait pas partie. Donc, ceux qui accomplissent ce devoir religieux, en réalité, ils ont fait ce que Allah leur a ordonné. Et celui qui dit qu'ils sont dans l'erreur ou qu'ils divisent, c'est lui qui est dans l'erreur. Au lieu d'accepter d'eux leur défense de la vérité, il se permet de parler ainsi. Par contre, ceux qui disent, cher, il poursuit en disant, ceux qui disent que nous devons nous unir et renforcer la fraternité entre nous. Nous leur disons, on va s'unir autour de quoi? On va s'unir sur quoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne l'union dans la vérité et non pas l'union dans le faux et dans l'égarement. Allah nous a ordonné d'être une seule communauté, comme étaient les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, une seule communauté. Et parmi leurs ennemis, il y avait les hypocrites, les juifs, les chrétiens, les associateurs, les païens. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son noble prophète, alayhi salatu wassalam, « Ya ayyuhan nabiyu jahidil kuffara wal munafiqina waghludh alayhim » وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيسَ الْمَصِيرُ. Dans le sens approximatif, ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, sois rude envers eux, car leur séjour sera la gêne, et quel horrible sort. Donc en réalité, ça c'est une ruse, et c'est un égarement, de dire qu'il ne faut pas qu'on fasse des réfutations et des redoutes les uns contre les autres, car ça divise le rang et ça nourrit la haine entre les croyants. Ça, c'est une tromperie et c'est une ruse. Ou bien c'est quelqu'un qui sait que les salafiyins qui ont fait ces redoutes, ils ont raison, ils sont dans la vérité, ou bien c'est un ignorant qui dit ça en imitant d'autres personnes qui le disent. Si les gens de la vérité, ils arrêtaient de défendre cette vérité et de la montrer aux gens et de mettre en garde contre tout ce qui s'oppose à cette vérité, alors les innovateurs vont se réjouir de cela. Ils deviendront encore plus forts à propager leurs égarements. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith authentique, quand les gens y voient l'injuste et il ne l'empêche pas de faire et de commettre son injustice, bientôt, il se rend englobé par le châtiment d'Allah. Tous. C'est pour ça, il n'y a pas de réforme dans la religion sans le conseil mutuel et l'appel à la vérité et le convenable et la mise en garde contre le blâmable. comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. Dans le sens approximatif, si seulement il y avait eu parmi les générations passées des hommes suffisamment vertueux pour interdire la corruption sur terre, mais il n'y en a eu que très peu que nous sauvâmes, cependant que les fauteurs d'injustice baignés dans l'opulence et n'étaient rien de moins que des criminels. Wakano mujrimin. Donc dans ce verset, Allah nous montre le mérite de ces hommes vertueux qui ne représentaient pourtant qu'une minorité, mais qui interdisaient la corruption sur terre et qui interdisaient le blâmable sur terre, et qui le réfutait. Et sans cela, le châtiment d'Allah aurait englobé tout le monde. Donc c'est un devoir. C'est pour ça que nous savons pertinemment que les réfutations qui sont faites avec science et qui sont à leur place permettent l'établissement et l'accomplissement de la religion. Et celui qui dit autre que cela, nous disons qu'il est dans l'égarement et qu'il cache la vérité et qu'il veut que l'égarement se propage Donc ce qui est demandé, c'est de s'unir dans la vérité, autour de la vérité. Par contre, le grand nombre avec les péchés et les innovations, ça c'est une maladie. Et c'est une cause de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas avec ça que nous aurons le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme disent l'Ikhwan. Il cherche à s'unir sans regarder les bases sur lesquelles il va être faite cette union. L'essentiel, c'est d'avoir un très grand nombre de suiveurs. Et il faut savoir que le grand nombre n'a jamais été une preuve sur la vérité. Au contraire, le grand nombre, c'est souvent un signe de l'égarement. Et si tu lis le Coran, tu ne trouveras dans aucun verset une éloge qui est faite à la majorité et au grand nombre. L'éloge est toujours faite à la minorité. Vous savez que les suiveurs des prophètes, depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne représentent que 1 sur 1000 de toute l'humanité, de tous les fils de Adam. 1 sur 1000 seulement. Et personne n'a jamais dit que les prophètes n'ont pas réussi leur mission ou qu'ils devaient se taire sur certains points. Jamais. Ce qui compte, c'est que tu appelles à la vérité avec sagesse et celui pour qui Allah veut le bien, il sera guidé. Mais délaisser la vérité sous prétexte d'unir les rangs et d'augmenter le nombre de suiveurs, ça c'est faux. Ça c'est faux. Et c'est à ce principe-là, entre autres, que l'imam Cheikh l'Allama Muhammad Nasir al-Din al-Albani a passé sa vie à appeler à ce principe-là. At-tasfiya wa at-tarbiya. D'abord, on doit nous purifier de toutes nos habitudes et toutes nos pratiques qui n'ont rien à voir avec l'islam. Parmi les innovations et autres. Et ensuite, on apprend les pratiques légiférées. La tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. At-tasfiya wa at-tarbiya. La purification et ensuite l'éducation. Se purifier du mal et apprendre le bien. At-tahliya thumma at-tahliya. Et ça, c'est la méthodologie du prophète alayhi salatu wassalam dans sa da'wa. Appeler les gens à délaisser al-shirk et leur enseigner al-tawhid. Et ensuite, il a répondu, Cheikh Rahimahullah, il a cité que ceux qui s'opposent au livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi sallam, sont de plusieurs catégories. Afin de ne pas se comporter avec eux tous de la même manière, il y en a qui visent cette divergence et qui appellent à l'égarement. Et quand tu l'appelles à la vérité, il se refuse à la vérité. Il la rejette. Et il critique, il dénigre ceux qui appellent à la vérité parmi Al-Sunnah wal-Jama'ah. Il les accuse avec l'égarement, avec la déviance, avec la division de la Ummah et des choses comme ça. Celui-là, il n'y a pas de doute que c'est un hypocrite. Comme ça, il dit Cheikh. Il n'y a pas de doute que c'est un hypocrite. Par contre, il y en a qui tombent dans les erreurs et dans les innovations par ignorance. Mais quand tu les appelles à la vérité, ils reviennent aussitôt. Cela, il ne faut pas dire d'eux que ce sont des hypocrites. Il ne faut pas dire d'eux que ce sont des hypocrites, car personne n'est à l'abri de l'erreur. Kullu bani Adam khatta. Tous les fils de Adam sont des fauteurs. Wa khayrul khatta'ina At-tawwabun. Et les meilleurs des fauteurs, c'est ceux qui se repentent. Donc, c'est pas parce que je suis tombé dans un égarement, dans une erreur, que je suis devenu innovateur ou égaré. Laysa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'at al bid'atu alayh. Wa laysa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayh. Parmi les règles des hommes de science, pas toute personne qui est tombée dans un acte de mécréance ou dans une croyance de mécréance est devenue pour autant un mécréant. Peut-être qu'il a une excuse. Et pas toute personne qui est tombée dans une innovation est devenue pour autant un innovateur. Donc, on est censé montrer la vérité aux gens, les appeler à la vérité de la meilleure des façons, avec la plus grande des sagesses. Et c'est ça notre devoir. Par contre, ceux qui ont dit que Al-Sunnah, il taxe toute personne qui tombe dans une chose qui n'est pas en accord avec Al-Kitab ou Sunnah, que c'est un hypocrite, ça c'est pas juste. Et c'est pas vrai. Il taxe d'hypocrisie celui, comme Cheikh a cité précédemment, quelqu'un qui suit dans les innovations et dans les égarements et qui combat les savants salafiyin et qui les insulte et qui met en garde contre eux. Et quand tu l'appelles à la vérité, il refuse. Il n'accepte pas. Celui-là, il n'y a pas de doute que c'est un hypocrite. Wal'iyadhu billah. Donc, nous allons nous arrêter ici, inshallah ta'ala.